Luciano, Mattei. Ces deux dernières semaines, Monsieur X m'a démontré à l'évidence qu'il connaissait parfaitement le fonctionnement et les secrets de la mafia. Luciano, grand manitou du trafic de drogue, est sans doute assassiné parce qu'il en savait trop sur les rapports entre la mafia et les services américains et qu'il risquait de parler si on ne lui permettait pas de revenir aux États-Unis. Mattei, l'empereur italien du pétrole, éliminé par la mafia, bras armé du cartel pétrolier international et de la CIA. Pour ce troisième volet consacré à la mafia, mon interlocuteur a choisi de me parler d'événements plus contemporains et en particulier des liens qui existent entre le personnel politique italien et le crime organisé, entre les mouvements d'extrême droite et les terroristes italiens, entre les milieux d'affaires et le milieu tout court. Des relations occultes, longtemps tues et qui ont peu à peu émergé ces dernières années grâce à l'opération Main Propre, mais surtout grâce à la confession de plusieurs repentis de la mafia. Pour autant, on ne peut pas affirmer que les autorités italiennes ne savaient pas. Il semble au contraire qu'elles faisaient tout pour paraître ne pas savoir et faire en sorte que le grand public ignore tout de ces coupables intrications. Et le grand écrivain sicilien Leonardo Sciascia pouvait répondre à la question « Comment vaincre la mafia ?» par cette phrase lapidaire « Il suffit de supprimer la démocratie chrétienne. » La démocratie chrétienne qui a dominé la vie politique italienne pendant un demi-siècle. Un autre exemple. Je l'ai trouvé dans un article de François Vitrani, paru dans Le Monde diplomatique en 1991. Je le cite. « L'exemple des archives de la première commission anti-mafia mérite d'être rapporté. En 1976, après 13 années d'activité, cette commission parlementaire décidait par un vote majoritaire d'imposer le secret pour 50 ans sur 42 caisses de documents, enquêtes, auditions et analyses. Notons aussi au passage que les archives de la commission d'enquête sur la loge P2 sont soumises au même régime. Si un parlementaire, membre de l'actuelle commission anti-mafia, souhaite consulter ses archives, il devra formuler sa demande motivée au président de la commission, qui lui-même recueillera l'avis des présidents de la Chambre des députés et du Sénat. Alors, le parlementaire curieux pourra, accompagné de deux fonctionnaires du Parlement et de deux carabiniers, avoir accès à l'un des 2629 fascicules composant ses archives, mais uniquement muni d'un stylo et d'un bloc-notes. Autant dire que les autorités politiques de l'époque ne souhaitaient pas qu'un opportun, fût-il parlementaire, fouille dans ses archives. Il faut ajouter que l'histoire italienne du dernier demi-siècle est marquée par de grandes vagues d'indignation suscitées par l'assassinat de tel ou tel homme politique ou de tel ou tel juge. Indignation suivie aussitôt de proclamations définitives sur la nécessité d'abattre la pieuvre et de mettre en place un plan de mobilisation contre la mafia. Malheureusement, dans la plupart des cas, à l'exception de ces toutes dernières années, cette volonté s'est peu à peu diluée ou s'est traduite par des actions dérisoires. En 1990, par exemple, après l'assassinat du juge Livatino, l'inévitable Giulio Andreotti, pivot de la vie politique italienne pendant des dizaines d'années, a proposé sans rire que l'autorisation de port d'armes soit limitée à l'époque de la chasse dans les régions réputées dangereuses. Mais on reparlera bientôt de Giulio Andreotti avec M. X. Andreotti, qui, je vous le rappelle, a été inculpé justement à cause de ses relations avec la mafia. I'm Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Si vous permettez, je voudrais d'abord revenir un instant sur l'affaire Mattei. Mmh. Il est intéressant de mettre en lumière ce qui s'est passé après sa mort. Une mort, je le rappelle, programmée par le cartel pétrolier avec l'assistance de la mafia, m'avez-vous dit. Oui, et les services américains. Eh bien, que constate-t-on dès 1963 Mattei est mort fin 62, il faut le rappeler. Hein. Oui, oui. Donc, dès 1963, le ENI, c'est-à-dire le Trust Pétrolier Nationalisé édifié par Mattei, conclut des accords avec quelques-unes des grandes compagnies internationales. Donc, la paix après la guerre. Oui, enfin, une paix que Mattei, lui, n'aurait jamais signée, parce qu'il ne voulait pas dépendre du cartel pétrolier. Donc, selon vous, c'est... Ce n'est pas la paix, mais une reddition. Tout à fait. Mmh. Et curieusement, un homme refait surface dans les sphères dirigeantes de l'ENI, Vito Guaradzi. Ce conseiller que Mattei avait éloigné. Ou qu'il avait foutu à la porte. Ouais. Parce qu'il le soupçonnait de vouloir faire en sorte que la mafia prenne peu à peu le contrôle de l'ENI. Or, c'est ce Guaradzi, un homme très habile, qui s'est toujours débrouillé pour rester dans l'ombre, qui va mener les négociations avec les compagnies américaines. Étrange, non? Et pour vous, donc, c'est une nouvelle preuve de l'implication de la mafia et du cartel pétrolier dans la disparition de Mattei. Naturellement, et tous ceux qui voudront y voir clair le perron de leur vie. Vous avez déjà parlé de la disparition du journaliste, là, Mauro Di Mauro. Eh bien justement, Di Mauro, je vous le rappelle, enquêtait à la demande du cinéaste Francesco Rosi sur la mort de Mattei, quand il a disparu vraisemblablement assassiné par la mafia. Une enquête a bien sûr été ordonnée et elle a été confiée au procureur Scaglione. Un drôle de type. Pourquoi un drôle de type hein? Il était notoirement connu que c'était un magistrat lié à la mafia. On ne pouvait pas trouver mieux, là. Oui, sauf que ce procureur avait rompu avec ses anciens Expliquez. Amis. Eh bien, un an ou deux avant la disparition de Mauro Di Mauro, le procureur Sgaglione a comparu devant ses pairs. On lui reprochait quelque chose, là? Il semble qu'il avait favorisé la fuite d'un important chef mafieux. Et que lui est-il arrivé, là, comme sanction? Et on l'a envoyé dans un trou perdu, mais ça l'a vexé. Il n'a pas compris que ses relations de la mafia n'aient pas intercédé en sa faveur en haut lieu. Et du même coup, quand on lui a confié le dossier Mauro Di Mauro, il a décidé de faire du zèle. Et de mettre en cause la mafia, non? Et son homme lige, l'avocat Vito Guaradzi? Oui. 2 mois plus tard, il était mort, criblé de balles dans sa voiture. Puni. Exactement. Mais enfin, ça c'est anecdotique. Sgaglione n'était pas le premier ni le dernier juge à subir la dure loi de la mafia, non. Non, ce qui est plus important dans cette affaire de l'ENIS, c'est qu'elle montrait à l'évidence que les nouveaux chefs de la mafia avaient maintenant des ambitions beaucoup plus considérables que leurs aînés. Expliquez-moi ça plus précisément. Eh bien, tout en continuant de contrôler étroitement le marché mondial de la drogue et en gagnant ainsi des sommes colossales, ils voulaient aussi s'assurer des positions fortes dans le monde économique. En blanchissant l'argent sale de la drogue. En particulier, oui. Le mafioso devenait homme d'affaires. À peu près ça. Peu à peu, la mafia investit dans la plupart des branches économiques, et vous allez voir, c'est allé très loin. Mais en même temps, ça signifiait qu'en ayant acquis ses positions, la mafia voyait son influence politique décuplée, et pas simplement en Sicile. Et comment ? Oh, c'est très simple. En compromettant le personnel politique. Avec de l'argent ? Bien sûr. Suffisait qu'un politicien cède à la tentation une seule fois, et à partir de ce moment-là, il était définitivement dans les mains de l'organisation criminelle. Mais il y a quand même eu des tentatives sérieuses d'abattre la mafia. Évidemment, mais dans un pays où le principal parti, la démocratie chrétienne, était gangréné, comment ces tentatives pouvaient-elles aboutir ? Le plus bel exemple, c'est celui du général Dalla Chiesa. Oui, un général de carabiniers. Oui, je vous en ai longuement parlé lorsque nous avons parlé de l'enlèvement d'Aldo Moro. Mais je m'en souviens. Bon, je résume. En 1982, je crois, Dalla Chiesa, qui a mené une lutte impitoyable contre les Brigades Rouges, change brusquement d'affectation et il est nommé préfet de Palerme. Mais pour quelle raison ? La vraie ou la fausse raison ? Bah, allons-y pour les deux. Bon, alors la fausse raison d'abord. En Sicile, la guerre des gangs a fait des dizaines, des centaines de morts. Plus que jamais, la mafia fait régner la terreur dans l'île. Et quelques jours même avant l'arrivée du général, un député communiste a été assassiné. Donc le gouvernement décide de faire un geste et envoie le célèbre général en Sicile. Ça, c'est la fausse raison. Alors, la vraie raison, maintenant. Dalla Chiesa devient gênant. À cause de son enquête dans l'affaire Moro ? Oui. Il brûle et il est tout prêt de découvrir la vérité. Une vérité gênante pour la plupart des dirigeants politiques en place. Et en particulier pour celui que les Italiens appellent l'inoxydable. Et que Moro accuse énormément dans une lettre rédigée depuis sa geôle. Oui, c'est, vous voulez parler là de Giulio Andreotti ? Lui-même. Le grand-parrain de la vie politique italienne, l'homme qui tire les ficelles, qui fait défait les gouvernements. Non, non, on va en reparler. Ouais. Donc si je vous suis bien, en envoyant Dalla Chiesa en Sicile, on s'en débarrasse. Tout à fait. Et on s'en débarrasse avec une arrière-pensée. Et laquelle On espère secrètement que la mafia sera bien éliminée, ce personnage en combat. Bref, on l'envoie se faire tuer. C'est à peu près ça, oui. Et c'est ce qui s'est passé. Oui, oui. Il faut dire que Dalla Chiesa a fait très fort. Malgré le fait que la police de Palerme en particulier était largement corrompue, il a réussi à confectionner un rapport où étaient dénoncées les activités criminelles de plus de 150 mafieux locaux, dont l'un des parrains les plus importants, un certain Michele Greco, un propriétaire terrien qui était en réalité le secrétaire de la coupole, c'est-à-dire son chef. La coupole, il faut le rappeler, je crois, c'est l'organisme où se regroupaient les chefs des principales familles de la mafia, c'est bien ça? Oui, oui. Et cela, la confection de ce rapport, c'était une sorte de déclaration de guerre à la mafia? Absolument. Jamais Greco n'avait été mis en cause, jamais on n'avait osé. Et ce qui était pire, c'est que pour la première fois dans l'histoire de la mafia, des hommes avaient brisé la loi du silence. L'omerta. L'omerta, oui. Donc il y avait péril en l'admeur et il fallait frapper très fort. Greco ne pouvait attendre. Et peu de temps après la publication de ce rapport, le général Dalla Chiesa, sa femme et son garde du corps ont été assassinés à coups de Kalachnikov en plein centre de Palerme. Donc l'objectif était atteint. Et à Rome, on a dû pousser un soupir de soulagement. Rome qui avait depuis longtemps abandonné Dalla Chiesa. Les orgues, elle joue pour toi. Il est terrible, cette terre-là. J'espère que tu aimes, c'est assez beau, non? C'est le requiem pour un con. Ouais, je l'ai composé spécialement pour toi, à ta mémoire de scélérat. Joli thème, tu ne trouves pas, hein, semblable à toi-même, pauvre con. Voici les orgues qui remettent ça. Faut que t'apprennes par cœur cette terre-là. Que tu n'aies pas même une hésitation sur le requiem. Regarde, tu n'apprécies pas, mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans qui te plaît pas? moi c'est idem, que ça te plaise ou non, je te le rechoue quand même. Tu aimes, c'est assez beau, non? C'est le requiem pour un con. Mais je l'ai composé spécialement pour toi, à ta mémoire de scélérat. Sur ta figure blême, au mur des prisons, j'inscrirai moi-même. Dans une interview au quotidien Repubblica, le général Dalla Chiesa déclarait peu de temps avant sa mort « Je crois que j'ai compris la nouvelle règle du jeu. On tue désormais un homme de pouvoir lorsque se produit cette combinaison fatale. Il est devenu trop dangereux, mais on peut le tuer parce qu'il est isolé. » L'écrivain et enquêteur Fabrizio Calvi, qui a écrit un livre sur la vie quotidienne de la mafia de 1950 à nos jours, livre paru chez Hachette, affirme. En lisant ces déclarations, plus d'un homme d'honneur, c'est-à-dire un mafioso, dut se dire que le général n'avait plus longtemps à vivre. Et Calvi poursuit, je le cite à nouveau, « L'hostilité, voire la haine que vouaient désormais les politiciens romains et palermitains au général Dalla Chiesa, n'était en effet un secret pour personne, et surtout pas pour le secrétaire de la coupole, Michele Greco, qui comptait plus d'un ami au sein de la démocratie chrétienne. Ce que je veux souligner avant de poursuivre, c'est que malgré la mort du général Dalla Chiesa, le verre était dans le fruit. Vous voulez parler de ces mafiosi qui avaient brisé la loi du silence, qui avaient parlé? Oui, et bientôt ce sera le temps des repentis, comme on les a appelés. Mais n'allons pas trop vite. Après l'assassinat de Dalla Chiesa, un autre homme a pris le relais, un magistrat, le doyen des juges d'instruction de Palerme. Et comme il s'intéressait d'un peu trop près à Michele et Greco, lui aussi a été assassiné. Et là, la mafia a utilisé les grands moyens. Ce qui signifie hein? Une voiture piégée avec une cinquantaine de tonnes de TNT, un véritable massacre. Ah, j'imagine que ça a dû refroidir les ardeurs des magistrats palermitains. Eh bien, pas du tout. Il s'est trouvé suffisamment de juges courageux pour continuer le combat. L'un d'eux en particulier, dont vous avez certainement entendu parler, Giovanni Falcone. Ah, bien entendu, mais lui aussi, il a fini par être tué. Oui, c'est sans doute le magistrat qui a porté les coups les plus durs contre la mafia. Mais racontez, hein. Falcone a décidé de s'intéresser aux comptes en banque des mafieux, et rapidement, il a obtenu des résultats. C'est un peu de cette façon qu'aux États-Unis, on a réussi à coincer Al Capone. Exactement, et Falcone a pu inculper et faire juger plusieurs dizaines de gangsters. Mais j'imagine qu'après les assassinats précédents, Falcone a dû bénéficier d'une protection exceptionnelle. Oui, des dizaines de carabiniers se relaient il y a jour et nuit pour surveiller sa résidence et son bureau, ce qui, entre parenthèses, ne devait pas être particulièrement commode. Ce pauvre juge n'avait plus de vie privée. Ouais, mais c'était le prix à payer pour rester en vie. Hein. Et pour continuer son travail de sape de la mafia. Mais comment Rome réagissait devant cet acharnement judiciaire hein? L'assassinat de Dalla Chiesa et celui du juge d'instruction qui avait pris le relais dans la lutte anti-mafia avaient provoqué un immense dégoût dans l'opinion italienne. Et les autorités, malgré toutes les pressions des hommes d'influence de la mafia, avait quand même été obligé d'agir. Et de quelle façon? Aiguillonné par les juges, le pouvoir avait fait voter une loi qui permettait la saisie des biens des mafieux. Et cela, c'était un instrument extraordinaire dans les mains de gens comme Falcone, qui consacraient toutes leurs forces à lutter contre la piove. D'autant, je vous l'ai dit, que les hommes commençaient à parler. Mais justement, là, expliquez-moi comment on en était parvenu à ce non-respect de la loi du silence. Je crois qu'il y avait eu trop de sang. Toutes ces années 60, 70, 80 ont vu les familles s'affronter, se massacrer. Et vous m'avez pourtant dit qu'il existait une organisation, la fameuse coupole, qui regroupait les chefs. C'est vrai, mais ça ne suffisait pas à faire régner la paix. Alors, quoi, lutte pour le pouvoir? Pour l'argent, si vous comprenez, la mafia gagnait de plus en plus d'argent. Trafic de drogue, spéculation immobilière, contrôle de la main-d'œuvre, raquettes généralisées, fraudes en tout genre, ça ouvrait les appétits, forcément, les convoitises. Donc plus la mafia grossissait, moins elle devenait contrôlable. Mais ça a donné lieu à des bagarres sauvages et toujours sanglantes. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de morts qu'on ramassait chaque année dans les rues de Palerme, sans compter ceux qu'on ne retrouvait jamais. C'est une sorte de folie, on tuait pour un oui ou pour un non. Et des hommes, donc, on en a eu assez de ces luttes fratricides. Oui, et pour violer ce sacro-saint code de l'honneur mafieux, il fallait vraiment que le pire ait été atteint. Mais qui étaient-ils ces mafiosi qu'on a appelés plus tard des repentis? Les premiers ont été de simples hommes de main. Et donc des hommes qui savaient pas grand-chose. Mais qui pouvaient quand même ponctuellement dénoncer les auteurs de tel ou tel assassinat, donc permettre au juge de remonter jusqu'au commanditaire. Mais bientôt, ça va changer. Un homme d'envergure va faire défection. Mais je crois le connaître, c'est Tommaso Buscetta. Je vois que vous connaissez son nom. Ouais, bon, on a quand même beaucoup parlé de lui, on a même prétendu qu'il s'était fait refaire le visage pour échapper aux tueurs de la mafia. C'est exact. Ouais. Et qui était-il vraiment? Ce n'était pas un parrain. Un chef de famille, et pourtant c'est un homme qui comptait dans la mafia. Et pourquoi alors? Sans doute à cause de sa personnalité. C'était un meneur d'hommes, un chef dont les principales familles de l'île cultivaient l'amitié. Bref, on préférait autant que possible l'avoir dans son camp. On ne peut pas être ami avec tout le monde, hein? Oui, et Buscetta n'a pas choisi les gagnants. Aussi, quand il a vu ses meilleurs amis se faire descendre les uns après les autres, il a préféré mettre les pouces et s'exiler au Brésil, un pays qu'il connaissait bien. Il a dû partir au début des années 80, me semble-t-il. Ça, c'est la prudence même. Et au Brésil, qu'a-t-il fait? Officiellement, il s'est occupé d'une immense propriété qui appartenait à son beau-frère. Une fazenda, comme on dit là-bas. Il faisait le commerce du bois, mais il n'a pas renoncé à son activité favorite. Et cette activité favorite, c'était? Le trafic de drogue. Et au Brésil, il était particulièrement bien placé. Oui, en Amérique du Sud. Mais est-ce qu'il gardait des contacts avec la Sicile? Naturellement, comme tous les Siciliens exilés, se tenaient au courant. Il y a beaucoup de Siciliens au Brésil, et donc forcément des hommes de la Cosa Nostra. Les chefs de la coupole, qui sont notoirement paranoïaques, imaginent que Buscetta complotait contre eux. Pour prendre le pouvoir. Et les assassiner. Et immédiatement, ils passent à l'action. Peu de temps après, le beau-frère de Buscetta disparaît. On ne le reverra jamais. Ça rappelle tout à fait l'histoire du journaliste, là, de Moro di Moro. Oui, et à mon avis, Buscetta comprend immédiatement. Mais ça ne fait que commencer. Encore quelques jours, et Buscetta apprend que ses deux fils, qui résident en Sicile, ont eux aussi disparu. La mafia, toujours? Évidemment. Le clan des Corleone, qui dirige d'une main de fer la mafia. Et comment réagit ce Buscetta là? Il doit être tenté de se venger, c'est tout à fait dans la tradition méditerranéenne, non? Oui, mais Buscetta, accablé, renonce à la vendetta. Il a peut-être tort, parce que les Corleone n'ont pas fini encore avec lui. À Noël, deux tueurs mitraillent une pizzeria de Palerme qui appartient à la famille Buscetta. Bilan, deux morts, dont un gendre de Buscetta. Quatre jours plus tard, deux autres assassins surgissent dans la miroiterie artisanale du père de Buscetta. Le père et le frère du mafioso sont froidement abattus. Et pourtant, ils n'avaient aucun lien avec la mafia. Un vrai massacre, hein? Mais c'était donc Buscetta lui-même qu'on voulait punir. C'est évident. Mais cette folie meurtrière va avoir des conséquences terribles pour les commanditaires de ces assassinats. Parce que contre toute attente, Buscetta va trouver une façon inédite de se venger. Brisé, fou de douleur, il va livrer les secrets de l'organisation criminelle au juge du pool antimafia. Je vais ouvrir la fenêtre. Pense à moi en échange. Un ciel pénible, je te vois lentement disparaître, faire des pas dans ta chambre, te comprendre et puis peut-être être là pour le croire et savoir que je suis le traître. Si tu laisses ta conscience prétendre, comment tu sens ce que tu penses? choisir. Puis on aime et on doute pour la circonstance. Faire des pas dans ta chambre, te comprendre et puis peut-être être là pour le croire et savoir que je suis le traître. Voici ce que j'ai lu dans le livre de Fabrizio Calvi sur la vie quotidienne de la mafia que j'ai déjà cité. Tommaso Buscetta s'était toujours fait fort de respecter les commandements de la Cosa Nostra. S'il avait fait quelques entorses aux règles orales qui régissent la vie des mafieux, ce n'était que des peccadilles dues à l'attrait que le beau sexe exerçait sur lui. Mais jamais il n'avait violé de principes essentiels. Pour lui, jusqu'à présent, la loi du silence était de celle que tout homme d'honneur était tenu de respecter à n'importe quel prix. La police brésilienne, qui l'arrêta une première fois en 1972, en sait quelque chose. C'est en vain qu'elle tortura sauvagement Buscetta en lui mettant des électrodes sur toutes les parties imaginables de son corps, en lui arrachant les ongles, puis en le laissant cuire au soleil pendant de longues heures, attaché à un poteau, le visage recouvert d'une capuche. Malgré toute l'habileté des tortionnaires, jamais Buscetta n'accepta de leur parler de la Cosa Nostra. Une dizaine d'années plus tard, alors que son corps conservait à tout jamais les traces des sévices, Tommaso Buscetta envisageait sérieusement de se confier à des policiers, cette fois de son plein gré. Là où les bourreaux brésiliens avaient échoué, quelque chose semblait avoir convaincu Buscetta de briser enfin la loi du silence. C'est au juge Falcone que Buscetta a décidé de se confier dès son retour en Sicile. Que dit-il dans cette confession ? Tout, absolument tout. Comment la mafia était organisée, qui étaient ses chefs, ses hommes de main. Et ces aveux ont eu quelles conséquences, alors, immédiates, là ? Le juge Falcone a ordonné une gigantesque rafle. Toutefois, il y a dû y avoir des fuites parce que la moitié seulement des mafieux qui devaient être appréhendés ont été arrêtés. Mais c'était quand même la première fois que la justice portait un tel coup à l'organisation criminelle. Oui, mais sans pourtant arriver à la démanteler complètement. Vous avez raison. Ceux qui avaient réussi à fuir ont continué dans la clandestinité. Et la mafia aujourd'hui encore est toujours debout. Et Falcone, lui, est tombé à son tour. Assassiné par la mafia. Oui, comme Dalla Chiesa et comme tant d'autres avant lui. C'était en 1992. Une bombe de forte puissance a explosé sur le passage de sa voiture blindée. Et le juge, son épouse et ses gardes du corps ont péri dans l'explosion. A noter que 3 mois plus tard, un autre juge, Paolo Borsellino, a été pulvérisé lui aussi. Enfin, il faut bien comprendre que Falcone était condamné à terme. Il y avait tant de forces coalisées contre lui. Lesquelles exactement ? Pour une vraie nébuleuse. Et surtout, Falcone approchait du troisième niveau. Qu'est-ce que c'est le troisième niveau ? C'est le niveau le plus secret, celui où le crime organisé rejoint la politique, la grande politique. Andreotti ? Avant de vous répondre, je voudrais revenir sur l'interminable confession de Buscetta. Il y avait un point particulièrement important. En gros, il a dit qu'il existait une sorte d'entité au-dessus des responsables de la mafia. Une entité si puissante qu'elle était même capable de susciter des manifestations terroristes de droite ou de gauche. Et à votre idée, là, cette entité mystérieuse, c'était quoi ? Écoutez, avant de vous répondre, je voudrais vous dire que grâce à Buscetta, on a pu se rendre compte que derrière toutes les affaires qui ont secoué l'Italie au cours des 20 dernières années, il y avait la mafia. Mais précisez, quelles affaires? Par exemple, la faillite de la banque Ambrosiano, dont je vous ai déjà parlé. Mais aussi le complot maçonnique de la loge P2. Les attentats terroristes, généralement attribués à l'extrême droite et souvent exécutés avec la complicité des services secrets. Puis encore plus grave. Plus grave? Je dis plus grave parce que nous sommes, nous aussi, concernés. Et nous aussi, français, pourquoi? Parce que, à l'occasion de ces enquêtes, nous nous sommes aperçus que la mafia et ses complices poursuivaient un objectif beaucoup plus considérable. Il ne s'agissait pas moins que de faire main basse sur l'Europe. Ouais, n'exagérez pas un peu, là? Pas du tout. Je suis extrêmement sérieux. J'affirme que les mafieux ont infiltré les milieux économiques européens et qu'ils ont mis certaines instances européennes en coupe réglée. Est-ce que vous avez des preuves? Écoutez, d'abord ceci. Au printemps 1993, un haut fonctionnaire européen se suicide. En tout cas, c'est ce que l'enquête a établi. Ouais, il me semble que vous avez des doutes. Oui, il s'est jeté du 6e étage d'un immeuble de la Commission européenne à Bruxelles. Mais je crois plutôt qu'on l'a un petit peu poussé. Qui était cet homme? Antonio Quattraro, un Italien, qui avait été mis au placard parce qu'il avait été convaincu d'escroquerie au profit de la démocratie chrétienne. Encore la démocratie chrétienne? Oui, encore elle. Et cette escroquerie? Quattraro s'occupait du tabac à Bruxelles. Sous son règne, si je puis dire, les aides communautaires en faveur du tabac ont progressé de près de 40%. Ça fait pas mal de milliards de francs, et pas mal d'aides complètement injustifiées. Mais surtout, ce haut fonctionnaire se débrouillait pour que quelques grands groupes européens puissent acheter à bas prix les stocks communautaires. Naturellement, percevait au passage, lui et ses amis politiques. Et pourquoi vous ne croyez pas au suicide? Après tout, découvert, il aurait pu vouloir en finir, hein, non, lui-même. Non. Quattraro a été supprimé parce qu'il était la preuve vivante de l'existence d'une fraude généralisée. Expliquez cette fraude. Je vous ai parlé du tabac, mais il n'y avait pas que le tabac. Les mafieux avaient compris depuis longtemps tous les bénéfices qu'ils pouvaient tirer du fonctionnement du FEOGA. Le FEOGA, ça... C'est le sigle du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole. Un organisme qui distribue des dizaines de milliards de subventions chaque année. Bon, c'est un peu compliqué, mais je vais vous expliquer. C'est très gentil. Il y a d'abord le système des restitutions. Quand les silos ou les frigos communautaires sont pleins, il faut vendre, vendre à tout prix. Et il y a des petits malins qui se font comme ça des fortunes en achetant ces stocks à très bas prix. D'accord, mais ça, c'est pas illégal. Voilà. Parce que parfois, mystérieusement, ces produits refont surface là où on ne les attend pas. Et bénéficie à nouveau de subventions. Et puis, il faudrait aussi parler des adjudications qui ne sont pas toujours très claires. Autre chose, les fraudes sur les stocks. Les fraudes sur les stocks. Eh bien, généreusement, Bruxelles paye les sociétés qui stockent, par exemple, les céréales. Ouais. Mais parfois, ces sociétés déclarent plus de blé qu'il n'y en a dans leurs silos. Ça, c'est quand même facile de vérifier s'il y a vraiment du blé. Vous croyez ça? Oui, bien, allez donc en Sicile ou en Calabre et demandez donc à contrôler les stocks de blé dans les silos. Et vous verrez comment vous serez reçu, tout fonctionnaire de la CEE que vous soyez. Est-ce que c'est la même mafia qui... Bien évidemment, la Camorra, la Ndrangheta ou la Cosa Nostra. En 1993, un fonctionnaire, un peu trop curieux du FEOGA, a été retrouvé mort sur un parking d'autoroute en Calabre. Son corps était criblé de balles. Lui, il enquêtait sur la fraude, sur l'huile d'olive. Et là, on a affaire à quel genre de fraude? Bon, toujours les mêmes, escroqueries sur les stockages et les aides à la production. Songez qu'on a découvert en Sicile que plus de la moitié des producteurs qui touchaient des subventions n'avaient jamais produit d'huile d'olive de leur vie. Mieux, on a découvert des champs d'oliviers sans oliviers. On a vu la même chose en Corse à propos de vaches qui n'existaient pas. Oui, vous avez raison, mais je vous assure que l'échelle n'est pas la même. Je ne suis pas un homme de chiffres, mais je crois qu'on a estimé la fraude totale au sein de la communauté européenne à quelque 70 milliards de francs. Et cela pour le seul secteur agricole. Alors, vous comprenez maintenant? Oui, mais vous soutenez que c'est la mafia qui est derrière cette fraude gigantesque? En grande partie, oui. Il faut des complicités. Bien sûr. À quel niveau? Au niveau politique, ça me paraît évident, non? Alors, votre mystérieuse entité, là, celle dont parlait Buscetta? Oui, mais tout cela est peut-être en train de changer. En 1992, un personnage important a été assassiné en Sicile, Salvo Lima. Un député qui était le véritable patron politique de l'île. Un homme qui était surtout l'homme lige de Giulio Andreotti. Ah, nous y revoilà. Andreotti qui est maintenant lui-même inculpé en raison de ses liens avec quelques mafieux notoires. Alors cette entité, c'était Andreotti? Bon, je ne veux pas être à l'origine d'un procès en diffamation, mais vous regardez dans la bonne direction. Seulement, il faudra encore parler d'un homme qui a longtemps été le patron des services secrets italiens. Et de quelques autres qui avaient leur entrée jusqu'au Vatican. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est une nébuleuse. Elle est née dans ces années d'après-guerre où, pour lutter contre les communistes, les services américains n'ont pas hésité à s'acoquiner avec la mafia. Mais Quand on veut déjeuner avec le diable, il faut une longue, très longue cuillère de bois. Dans l'article de François Vitrani que j'ai déjà cité, j'ai extrait cette phrase. Lorsque les archives seront ouvertes et les secrets d'État levés, ou lorsque Giulio Andreotti se repentira, peut-être découvrira-t-on que les principaux chefs de la mafia étaient des agents de la CIA. Par ailleurs, dans un livre intitulé « Main basse sur l'Europe », publié chez Plon en 1994, le député et ancien ministre François Daubert évoque longuement les fraudes communautaires dont m'a parlé M. X. Un exemple. Une enquête menée en 1993 par le FEOGA dans le Mezzogiorno italien. Enquête réalisée dans un réel climat d'hostilité, mais qui a permis de mettre en évidence une fraude portant sur 25% des stocks de blé. L'escroquerie a été estimée à 500 millions de francs. Enfin, pour ce qui concerne Buscetta, je vous recommande le livre de Pino Arlacchi, Buscetta, la mafia par l'Indécien, paru aux éditions du Félin. Un livre qui démontre les liens passés entre la mafia, la démocratie chrétienne et les hautes sphères de l'État italien. Je vous rappelle que vous pourrez bien sûr retrouver M. X en librairie dans Mémoire secrète de M. X, présenté par Patrick Pénaud aux éditions de Noël France Inter.